le commentaire du Canadien avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, j'ai été surpris d'apprendre hier que Claude Julien allait être de retour avec le Canadien. Ben moi, Marc, je suis surpris oui et non, parce que je suis pas convaincu qu'il va être de retour encore. Même si Marc Bergevin a dit oui, il va être de retour, il y a une entrevue qu'il a faite avec Mathias Brunet la semaine passée. Je sais pas si tu as eu connaissance de cette entrevue-là, où il s'en met le blâmé. Puis, à quelque part, je me dis, si il aurait pas mis fin aux rumeurs, imagine-toi c'est que ça aurait fait à la fin de l'année, en sachant que tout le monde savait que Claude Julien ne revenait pas. Fait qu'en en sachant ça, ben, il calme le jeu des rumeurs. Mais c'est pas dit qu'il reviendra pas non plus. Là. Je sais pas si tu me dis ce que veut dire. Es-tu là? T'as 100% raison dans ce que tu dis, Danny. Oui. Oui, OK. Donc, moi, je suis pas convaincu qu'il va revenir. Même si Marc Bergevin a dit ça hier, plus j'y pense, Marc, puis plus je me pose. S'il aurait pas fait une sortie, imagine-toi comment ça aurait été d'ici la fin de la saison. En faisant cette sortie-là, ben, ça calme toutes les rumeurs. Mais dans un mois, je suis pas sûr qu'il va être là. Tu as 100% raison, Danny. Puis c'est ce qui fait partie du fameux monde du sport. C'est que dans le sport, tu n'as pas de syndicat qui te protège. Hein? Mm. T'as pas une convention qui dit que tu étais protégé de ta job ou quoi que ce soit. On l'a toujours dit, j'aime à le répéter, puis j'ai fait partie de ce processus-là, mais dans le monde du coaching, du directeur-gérant, ces postes-là, tu es engagé pour être congédié. Alors, tu sais la date du début, mais tu connais jamais la date de la fin. Et puis, je pense que dans les circonstances, avec la tempête médiatique qu'il y avait autour de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec le Canadien, je pense que c'était de bonne foi de la part de Marc Bergevin de calmer un petit peu les esprits de tout le monde et puis de reconfirmer son entraîneur. Mais comme tu le dis, ça vaut ce que ça vaut. Là. Je sais pas si tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, Bob Gainey avait donné un nouveau contrat à son chum Guy Carbonneau. Ben oui. Un 3 ans, puis une couple de semaines après, Gainey congédié à Carbonneau. Alors, c'est pour te démontrer que dans le monde du sport, spécialement à l'hockey et à Montréal, tu es toujours assis sur un siège éjectable, et puis tu sais jamais quand est-ce qu'on va peser sur le bouton. Mais dans les circonstances, là, Marc, je pense qu'il a voulu comme prendre la pression pour un peu tout le monde, de dire, regardez, vous êtes sous mon cas déjà... Vous y allez à grand coup de masse sur mon dos. Alors, et avec raison en passant, là. Marc, moi, regarde, moi, je suis un de ceux qui je peux pas croire qu'il va revenir l'année prochaine. Écoute, une série en 5 ans, puis ça, on n'est pas d'accord, Marc, là-dessus. Une série en 5 ans pour le Canadien, une série en 8 ans, parce que pas les Bulldogs, mais les Rockets, c'est loin d'être certain qu'ils fassent les séries. À un moment donné, là, dans une business de résultats, t'as bien beau dire ce que tu veux, mais dans une business de résultats, il faut qu'il y ait des changements, puis Marc n'a pas livré marchandise. Comment tu diras le contraire? On peut pas dire le contraire. Là. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. T'as absolument raison. Puis... Non. Il y a une différence. Il y a une différence, Danny, entre avoir les arguments pour appuyer ce qu'on dit, puis par rapport à ce que tu dis là, je suis 100% d'accord. C'est pas parce que Marc Bergevin est un ami que je pense que tout ce qu'il fait est parfait. Là. Ouais. Au contraire, moi, j'ai été très, très surpris, comme la plupart des gens, qu'il se soit pratiquement rien passé pendant la période des échanges. Mais surtout, où ce que je pense que Marc a été plus difficile, c'est dans sa conférence d'après période des transactions, où je crois qu'il était très maladroit dans sa conférence de presse. Alors, mais la seule place, Danny, où ce que je suis obligé de dire que je ne suis plus d'accord avec les gens, c'est quand les gens disent c'est inacceptable à Montréal. Ben la réalité, Danny, là, c'est qu'à Montréal, là, c'est plus le Canadien puis le restant de la ligue maintenant. C'est qu'il y a une parité. Le Canadien fait partie des 31 équipes de la Ligue nationale. Oui, c'est une dynastie. Oui, ils ont gagné plusieurs coupes cette année. Oui, c'est la plus vieille équipe. Oui, c'est la meilleure. Mais la réalité de 2020 n'est pas la réalité de 1975-80. Le Canadien de Montréal est une équipe parmi les 31e autres. Et si le Canadien veut remonter, ils vont devoir faire le même processus que les Penguins de Pittsburgh, que les Blackhawks de Chicago, on dit souvent ça, ce processus-là, Danny. Oui, c'est sûr. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, malheureusement, on peut pas vivre dans le passé. Oui. Oui, à quelque part, Marc, est-ce que je suis d'accord avec toi là-dessus. Par contre, tu suis de baseball, puis les Canadiens, c'est les Yankees de New York. À un moment donné, là, c'est sûr que c'est pas tout à fait. On peut pas comparer les Canadiens encore avec les Yankees parce qu'il y a le niveau de taxation, il y a le niveau. Non, tu peux pas. Quand même, puis c'est. Tu sais, je veux dire, ça fait 5 ans que ça fait du surplace. Prends les émissions de l'antichambre, puis prends les émissions de 110% des années 2000, change les noms, puis ça se ressemble pas mal. Oui, mais je suis vraiment pas d'accord avec toi, Danny, sur la comparaison que tu fais, parce que ça, c'est pas fair, parce que justement, il y a une taxe de luxe dans le baseball qui fait que tu peux dépenser l'argent que tu veux au baseball, ça change rien, tu vas juste payer ta taxe. Les Yankees, les Red Sox, les Dodgers se foutent complètement de cette loi-là. Il n'y a pas de plafond pour ces équipes-là. Mais les Yankees, Danny, là, sont revenus sur la map dans les 10-12 dernières années. Ils ont eu un moment où les Yankees de New York, c'était gênant. Tout le monde s'était à la risée de dire c'est des équipes pactées qui ne réussissent pas à gagner. Alors, ils ont passé à travers un des années plus difficiles pendant 7, 8, 10 ans là, avant d'en arriver là. Alors, je pense que la comparaison elle peut pas se faire. Et comme je te dis, tu as raison qu'il y a une fierté à Montréal. Il y a une fierté de dynastie et tout ce qui s'est entouré. Mais la réalité, je te le redis, ce n'est plus la même. Le Canadien n'a plus les... n'ont pas plus les moyens que les autres maintenant. Ils doivent composer dans un barème qui est le même pour tout le monde. Et puis c'est une réalité qui doit. Mais Marc, écoute, tu sais, je reviens sur quand je dis Claude Julien, Marc. Moi, je pense que ça va arriver encore avec tout ça. Puis ça va être une question de diversion. Marc Bergevin, tant qu'à moi, c'est le ménage au complet jusqu'à Trevor Timmons. Je garde rien que le concierge tant qu'à moi. Là. Quelque part, tu sais, Marc est pas blanc. Ça fait 3 ans que le Canadien accote même pas le plafond salarial. De la misère à se trouver un deuxième gardien de but. Tu vas me dire, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est vrai, mais c'est sa job quand même. Après ça, tu sais, à un moment donné, là, ça prend des changements. Puis le deuxième gardien de but, plus ça va dans le hockey de 2020, ça, c'est très important ton deuxième gardien de but, là. Oui, mais sais-tu quoi, Danny? C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais honnêtement, est-ce que le timing il est bon présentement? Ça servira à quoi aujourd'hui de congédier Claude Julien, de congédier Marc Bergevin, de congédier Trevor Timmons, de congédier tout le staff? Ça ne sert absolument rien parce que t'es dans un one-way sans issue présentement. Alors, laissons finir la saison. Là, on s'entend que le Canadien, ils feront pas les séries, là, tu sais, à moins de... d'avoir acheté un Lutomax, là. Mais sinon, là, c'est mission quasiment impossible. Alors, probablement qu'il se prépare un grand coup. Alors, est-ce que le grand coup va être que Marc Bergevin va faire un ménage? Est-ce que le grand coup va être que Marc Bergevin va faire des échanges majeurs? Ou est-ce que le grand coup va être que Jeff Molson va congéler tout son staff hockey à suivre? Mais ça ne sert à rien de le faire présentement. Okay. Attendons la fin de la saison. Peter DeBauer, qui a remplacé Gérard Gallant, on se posait toute la question. Tout le monde disait qu'à un moment donné, on ne comprenait pas ce qui se passait, mais les Knights de Vegas, 8-9 victoires de fil, ils sont en feu, les Knights. Là. Ben, écoute, ils jouaient pas mal avant que Gérard Gallant soit congédié. Il y avait eu une mauvaise séquence, je crois, de 4 défaites de suite. Ouais. Mais Vegas n'est pas mal, là. Alors, est-ce que Gérard Gallant est un mauvais coach? Absolument pas. Est-ce que DeBauer est un très bon coach? Probablement que oui. Alors, c'est là que tu vois comment que ton vestiaire est fort. Et moi, je pense que ça démontre que Vegas ont un bon vestiaire avec de bons vétérans, parce que là-dedans, là, tu ne dois pas te laisser effondrer par une décision au deuxième étage qui fera pas l'affaire des joueurs. C'est bien correct que là, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a été content et qui a dit qu'il était content que Gérard Gallant s'en aille. Mais d'un autre côté, tu dis, hey les gars, ça c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on s'effoire puis qu'on s'apitoie sur notre sort puis qu'on blâme la direction parce qu'on n'était pas content que notre ami Gérard soit congédié? Ou on est une bonne équipe de hockey, on continue à progresser, on continue à jouer comme une vraie équipe qui s'est rendue à la finale de la Coupe Stanley, voilà une Coupe d'année. Et puis c'est ça qu'on fait. Alors, en arrière, là, le coach, là, c'est un transporteur de messages. Lui, là, il transporte un message. C'est sûr que d'un coach à l'autre, là, Danny, on va diversifier notre système de jeu. C'est normal. Mais des systèmes de jeu, là, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Je vais te dire une chose, là. Il y a quelques petits trucs là, qu'on va faire différemment sur, admettons, l'avantage numérique, des choses comme ça. Mais le système de jeu de la Ligue nationale, je vais te dire une affaire, d'une équipe à l'autre, il ne varie pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est peut-être d'avoir peut-être un nouveau souffle. Le deuxième étage a jugé que l'équipe avait besoin d'un nouveau porte-parole. Mm. Et puis, d'abord, tant mieux pour Vegas, tant mieux pour leur nouvel entraîneur. Et puis, dans le monde du hockey, c'est une roue qui tourne. Et puis, je ne serais pas surpris de voir Gérard Gallant engagé demain ou après-demain ailleurs, et spécialement peut-être à Seattle éventuellement. Ben, effectivement. Marc, dernier point, ben, je veux parler de ton boss, Patrick Arroy. 400e victoire avec les Remparts de Québec. C'est incroyable. C'est quand même, Patrick, écoute, c'est quand même c'est quand même vraiment quelque chose de très, très bien. Donc, 400 victoires. Quoi on peut dire là-dessus? Ah, ben c'est 400 victoires, mais c'est surtout au nombre de matchs que ça lui a pris pour en avoir 400 qui est impressionnant, Danny. C'est l'entraîneur qui lui a pris le moins de matchs à atteindre le plateau des 400 victoires. Écoute, Patrick, c'est un gagnant, mais il faut vivre dans le quotidien avec lui pour voir qu'est-ce que c'est, parce que c'est plus qu'un gars qui est en arrière du banc puis qui va changer ses lignes. Là, Patrick Roy, c'est le premier à arriver à l'aréna le matin. Il va être à l'aréna à 7h, 7h30, puis tu sais jamais quand est-ce qu'il va partir de là. C'est un travaillant infatigable. C'est un gars qui est toujours allumé. Il veut toujours améliorer son équipe. Il cherche toujours des solutions. Alors, moi, je suis impressionné de la façon dont Patrick travaille. Et puis, c'est pas étranger à ses succès. Non. Est-ce que c'est, je me trompe, parce que tu l'as connu, Marc, avant qu'il aille à l'Avalanche, puis après qu'il est devenu. C'est sûr que les Remparts, c'est pas une grande équipe cette année. Par contre, je peux-tu dire, est-ce que il semble plus mature? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a du monde qui dit, moi, c'est mon choix comme DG à Montréal. Le monde dit, ouais, mais tu sais, il est trop émotif. Moi, je pense qu'il est vieilli. Est-ce que je me trompe en disant ça? Moi, je peux te dire une chose, c'est un Patrick Roy complètement différent que j'ai... Patrick, l'avant Patrick avec les Remparts et l'après maintenant, son passage dans la Ligue nationale, je pense qu'il lui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturité en tant qu'entraîneur. Là, présentement, là, il est toujours en contrôle de la situation. Oui, de temps en temps, il va faire des crises qu'on n'est pas très entraîneur, mais c'est souvent pour changer le rythme de la game. Pat est en contrôle de ses émotions. Parce que Patrick, avant, tu te rappelles, le Patrick, avant qu'il y allait avec l'Avalanche, il faisait un pit, puis tout le monde s'était multiplié par 10, puis il faisait toute une histoire. C'est sûr que les Remparts ne sont plus une grande puissance, ça doit aider, mais il me semble que Patrick est beaucoup moins flamboyant que dans le temps qu'il était avec Richard Martel à ces années-là. Est-ce que je me trompe? Pas le même coach. Exactement. Mais Patrick, tu sais, non, mais aussi, c'est Richard et Patrick se relançaient beaucoup. Là. Il y avait cette rivalité-là entre équipe et entre entraîneurs qui faisait que ça donnait un peu plus d'émotion là, dans les matchs. Mais non, Patrick est très, très professionnel. Tu le vois là, que son passage dans la Ligue nationale là, lui a permis de voir... Là, à quel niveau il doit gérer, admettons, son équipe, gérer ses émotions, puis gérer le tout. Alors, il fait honnêtement, il fait d'une main de maître. Et même si les Remparts ne sont pas à la hauteur de la situation, quand même, la progression s'en vient. Là. On a des bons jeunes, justement. On a passé par le repêchage. Le parallèle, là, il va être boiteux de ce que je te dis un peu, Danny. Ben, c'est cyclique, mais c'est parce que c'est cyclique. On s'entend-tu que les Remparts, c'est un petit peu le Canadien de Montréal du junior majeur? Ouais. Hein? C'est le Canadien de Montréal, pareil. Les gens ont de la difficulté à accepter que les Remparts aient de mauvaises saisons, mais pourtant, on le fait. C'est un mal nécessaire. On passe par le repêchage, on repêche nos joueurs. Comme tu l'as dit, c'est cyclique. Alors, on doit passer par là. On a maintenant des barèmes qui sont très, très, très stricts pour la Ligue junior majeure. On ne peut plus s'acheter des Européens, on ne peut plus s'acheter des Américains. On doit passer par le même système que tout le monde avec les mêmes budgets. Et ça donne une parité. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne, autant dans le junior que dans la Ligue nationale maintenant. OK. Marc, merci beaucoup. Un gros plaisir de se reparler, puis on se reparle un autre tantôt. Notre ami Marc Fortier. Parfait, Danny. Merci.